Bien a la KM. Gaia, Edgar Nissou, Hugo Bolognelli, Kerigold José D'Acosta, Chirac Makayabu, Idélia Nicole Shaw, Paul Jouma. Bob Chauvelier, Mokondi. Est-ce que tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un Charlie Malala. Paris.